Musique horrible. César. Bonsoir. Double vieux, horribles auditeurs. Vous vous apprêtez à écouter Lift Machinery du collectif Mount Fuji Doom Jazz Corporation. Merci à vous de faire partie de ce long voyage qui, comme moi, va prendre son temps. Où des fréquences tueuses d'éveil enfouissent sous elles une Russie dans le coma. Vous êtes actuellement confus sur Musique Horrible, l'émission qui célèbre le fait étrange qui est que dans la vie, vous ne faites pas que ce qui est bien pour vous. Amen. Faisant justement tout ce qu'il faut pour éviter de croiser le bonheur, se trouve moi, César, un monstre qui est heureux. Chers tous, habituellement j'aime vous insulter, bande de coprolites endimanchés. Mais ce soir est un soir particulier. En effet, la plus grande insulte que je vous ai réservée est l'épisode d'aujourd'hui, lui-même. Voyez-vous, la dernière fois que nous nous sommes entendus, j'ai réalisé un hors-série, tout simplement parfait, sur l'artiste Justin K. Broderick. Il s'agit d'un épisode qui troue le cul. Et où je suis allé loin. Ainsi, étant donné toute la magie et toute l'âme que j'y ai mis, j'ai décidé pour ce soir de m'accorder le pouvoir d'avoir la flemme. Une flemme sans aucune pitié. Le genre qui ne nous est possible de voir que depuis cette merveilleuse génération de l'Internet. Auparavant, la flemme était rare, car les gens vivaient d'occupations comme la mienne, donc ne pouvaient pas se montrer faillir, sans quoi ils pouvaient perdre leur gagne-pain. Et il faut le dire, à l'époque, ils avaient un certain sens du respect en rapport à la société de vieux cons dans laquelle ils vivaient. De nos jours, on assume bien plus la flemme. De nombreux créateurs de divertissements audio et vidéo sur Internet vont proposer des lives, des let's play et des top 10 qui demandent objectivement moins de travail intellectuel et temporel qu'à peu près n'importe quelle autre forme d'expression sur Terre. Pour tout vous dire, les YouTube poop demandent plus d'âme de la part de leurs créateurs. Moi, César, troll dans l'âme, je pense que c'est une bonne chose, et donc je vais m'y essayer. Je vais valoriser ma flemme pour me retrouver sur cette nuit. Et allez vous faire liquéfier si vous voulez me faire forcer le contraire. Toutefois, contrairement à ces clowns qui travaillent sans code du travail, moi, je ne vais pas vous proposer de format feignant top 10 let's play live putaclic. Il n'y aura pas de flemme horrible. Et autre jeu de mots habile, cela je le laisse à ceux qui vont me copier. Concrètement, ce qu'il y a, c'est que moi, César, je me tiens devant vous et je vous le dis, j'ai la flemme. Cette émission sera un succès pour moi, comme pour vous, si j'y travaille le moins possible, si je peux m'y taire et m'y détendre, comme dans l'infinité de ce qui suit une mauvaise expérience. Nous entendrons. Il ne reste donc plus que deux chansons avant que je ne vous souhaite une bonne nuit. Et la prochaine, je la hais. Il s'agit du petit morceau de bonheur que l'on ne peut jamais totalement extirper de sa vie. Et de son émission adorée. Place donc à la piste joyeuse, obligatoire de musique horrible. Car le contraste, c'est la vie. Bonheur, de Catherine Hershey. J'aime cueillir les fleurs, les roses et les œillets, car leur belle couleur égaye ma maison. Oh. Rebonsoir. Je ne vous avais pas vu. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai eu le temps de faire un petit feu dans le studio, m'installer dedans avec mon fauteuil bien au chaud, et m'endormir. Qu'il est bon de ne rien faire. Et qu'il est bon de vous décevoir, du fait que j'étais trop magnifique récemment. J'adore. Et j'aimerais profiter de ce moment de douce indolence pour être hors sujet, pour vous parler un petit peu, pour vous poser une question. Quelle est, d'après vous, la pire des émotions, la plus terrible et la plus insaisissable, celle que très peu, voire aucun artiste, n'arrive à restituer? Bon, la colère et la haine, on est large. La dépression, pas trop mal, mais j'en voudrais encore plus. La tristesse, elle est partout, et elle manque bien souvent de piquant. La peur et l'anxiété, c'est un truc de bande-son ou d'électropop. La bougonnerie, la lugubrité et l'ennui, cela commence à être un peu plus rare. Par contre, pour moi, César, la pire des émotions, celle que je n'ai encore personnellement jamais pu trouver en forme musicale, c'est l'apathie. Car l'apathie est la mort. Non, l'apathie est pire que la mort. Au moins les cadavres en décomposition peuvent nourrir les bêtes et les insectes. Alors qu'on ne peut rien planter à partir de l'apathie. Elle est un trou noir qui ne fait qu'absorber la vie en continu, sans jamais rien donner en échange. Elle n'est ni le commencement, ni la fin. Sans goût et sans désir, elle est le néant par nature. J'ai un immense respect pour ceux qui arrivent à s'en remettre. Un peu de dégoût aussi, car ils sont probablement heureux désormais. Mais, quand même principalement du respect. Cherchez avec moi près du feu. Je vous mets au défi de me trouver une œuvre d'art qui donne un corps à cette bad vibe qu'est l'apathie. Contactez-moi à musique.horrible@gmail.com et permettez-moi de ne pas sourire plus encore. Je suis curieux de vous connaître et, même si je vous hais, et je le pense forcément un peu, j'aime avoir de vos mauvaises nouvelles. L'épisode Flemme approche déjà vers sa fin. Je pense m'y être retrouvé, et avec un peu de chance, je vous aurais même emmerdé. Je propose que l'on conclue avec une autre émotion rare qui va être déployée secrètement sur la demi-heure qui nous reste. Ces interprètes sont eux-mêmes une sorte de secret dans les musiques extrêmes. Il s'agit de Corrupted, une formation de doom japonaise dont les compositions vont de 2 minutes à plus d'une heure. Et que l'on retrouve souvent en split avec des gros bourrins grindcore plutôt cool. Nous ne possédons pas de photos promo ou d'interviews de Corrupted, car c'est le genre de groupe qui a fait le choix de ne se faire connaître que par sa musique. Comme quoi, manger son community manager est toujours une option viable à notre époque. Quoi qu'il en soit, une chose que l'on connaît d'eux, et à laquelle je suis particulièrement sensible. C'est la valeur qu'ils placent dans les langues. Selon ce qu'ils souhaitent dire, ils peuvent passer du japonais à l'anglais, et plus encore, à l'espagnol. Dans la chanson que je vous propose, c'est l'allemand qui est leur vaisseau. Ce sur l'album Karten der Unbewusstheit. L'émotion rare dont je vous ai parlé, c'est ce dernier mot. Unbewusstheit. J'espère que je le dis mal. Hélas, il est un de ces mots relous que l'on ne peut jamais totalement traduire à moins d'être un putain d'allemand. Le mieux que je peux vous donner, c'est une approximation, venant d'un autre gazio qui m'a dit que l'unbewusstheit, c'est l'action d'agir sans connaissance et sans conscience de soi. Ce sera sur cette émotion vaste que moi, César, je vais écouter avec vous et unbewusstheit, ma fin d'émission. Tout comme je vous l'ai dit que je le ferai au début, en prenant mon temps, avec une douce paresse. Bonne nuit. Bonne unbewusstheit. Et à bientôt sur Musique Horrible. Thank you. Thank you. Thank you.